Nous sommes déjà rendus au bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et ce bloc de l'Ouest a un thème, une thématique cette semaine, vidéoclip. Et oui, j'ai plusieurs vidéoclips à vous proposer. Et puis, en commençant par la charmante Rihanna de Winnipeg, Saint-Boniface, au Manitoba, qui, cette semaine, en début de semaine, je pense, nous envoyait un petit flash comme ça. « Hey, allô, voici mon vidéoclip pour la chanson « En attendant demain ». Très, très beau clip, très belle musique, très beau texte, mais un vidéoclip vraiment charmant, très esthétique. J'adore énormément. Donc, je vais vous faire entendre cette chanson-là. Je vais vous faire entendre aussi la chanson de Véro, de la Saskatchewan, qui, elle, nous proposait un clip aussi, voilà, une semaine et demie de ça. « Si le froid », très beau vidéoclip également. Et il y a eu le clip « Je deviens le loup » qui a été lancé il y a quelques semaines de la franco-albertaine Ariane Marie Lemire. Donc « Je deviens le loup », c'est la pièce titre de son dernier album qui a été lancé l'automne dernier. Et très beau vidéoclip également, tout en petit montage là, comme ça, là, découpage assez intéressant, merci. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook, CAN Tradition ROCK, pour voir ces clips-là, bien entendu. Et c'est vraiment très, très, très bien fait. Donc, ça se développe pas mal du côté de l'Ouest canadien. Je me rappelle toujours, moi, quand j'y pense, là, quand j'ai commencé, il y avait à peine un album par année et demie. Là, ça brasse pas mal et c'est le fun. Il y a de belles trouvailles, de belles productions qui se font. Donc, bravo. Voici, en attendant demain, Rihanna. Le bruit des enfants, des voisins qui crient leur impunité, qui crient le fabuleux destin d'une vie à peine commencée. Je peux.

je me suis perdue dans les ornières d'un chemin de gravier. Au bord de la mer où les goélands font la cour au bateau naufragé. Quand la vie est bête, je deviens le loup. Malgré les bourrasques et les tournants casse-cou, je t'ai cherché entre les racines d'un chêne géant. Je t'ai senti dans l'odeur des épinettes. Je t'ai traqué entre les mots dans de vieilles lettres, parmi les fleurs séchées. Voilà, très très belle chanson qui s'appelle « Je deviens le loup » dont le vidéoclip a été lancé il y a quelques temps, quelques semaines. Et vous pouvez voir sur ma page Facebook. Vous pouvez voir aussi de la Saskatchewan, M. Sean Jobin avec son vidéoclip « Éléphant » qui est disponible sur ma page Facebook. Allez voir ça. C'est disponible aussi sur YouTube, bien entendu. Donc, on va écouter la pièce titre de son album qui a été lancé au printemps dernier. C'est Éléphant, très très bonne chanson hip-hop. Sean Jobin, Québécois d'origine qui demeure maintenant en Saskatchewan. Et ça va très bien pour lui. C'est vraiment, même en France, ça semble se développer un peu pour lui. Donc, je trouve ça magnifique. Bravo, Sean Jobin. On va écouter ça. Par la suite, on va rester dans le hip-hop avec Alpha Toshinesa du Manitoba avec Visionnaire. Dans la pièce devant les enfants. Enfin je me sens libre, ouvre mon feu. On fait ce qu'on peut en faisant semblant. blanc d'être présent à l'eau, est-ce que quelqu'un est là? Si je me fie bien à l'écho, je suis seul au monde avec cette carcasse. Le poil n'est plus, l'exploit m'a plu, mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce que je suis devenu? Je pose ce cri en prenant sa tête dans mes bras. Est-ce que quelqu'un m'aurait entendu pleurnicher comme un gamin quand j'avais le couteau sous la main avant de couper dans son destin? Le poids sur ma conscience pèse rien face à la lourdeur de mon cœur, c'est mon pouls qui bat des solos. J'ai foiré cette fois-ci, essayant d'effacer mes manies. Des amis minimalisés se sont sauvés tels que des animaux visés. Et je suis resté figé. Et si j'ai la chance de vous revoir un jour, sachez que mon éléphant est mort. I can remember when the word was out. The word was out. I can remember when the word was out. The word was out. All the flaws shall fight. I can remember when the word was out. The word was out. I can remember when the word was out. The word was out. All the flaws shall fight. L'effet de mon calendrier tombe aussi vite que les saisons. Spuscule pour arriver à nous faire perdre la raison. On prend de l'âge, forcément la vie nous responsabilise. Nos efforts se mettent à répondre et ça nous déstabilise. Je m'ennuie de toi plutôt de t'avoir eu comme bouc émissaire. Durant mes bouts de misère, je me faisais rare comme un hibou en hiver. Je m'ennuie de toi plutôt de t'avoir eu comme échappatoire. Maintenant tout ce qui reste de mon éléphant, c'est son squelette dans mon placard. De moi la main, l'ami, oublie tes sales manies. Et si c'est ça la vie, tu sollicites mais qui salit l'essence qui t'alimente. C'est ton futur qui t'initie sans pitié qui te dit que si fini suffit. De symphonie, symphonie de tes agonies. On brasse la vie comme elle est mêlée à mon avis. On brasse la vie comme elle est mêlée à mon avis. I can remember when the word was out. The word was out. I can remember when the word was out. The word was out. All the flaws shall fly. I can remember when the word was out. The word was out. I can remember when the word was out. The word was out. When the flock shall fight. On va s'laver comme elle est mêlée à mon avis. On va s'laver comme elle est mêlée à mon avis. When the flock shall fight. Le périt parce qu'il lui manque la connaissance. Esclave de ses pulsions, trompé par ses sens. L'essence de la vraie science repose sur la crainte de l'éternel. J'aspire au ciel, c'est pourquoi j'étendrai mes ailes. J'ai pris le large, la conquête de l'ouest. Canadien, à défaut de croire au rêve américain ou du cauchemar amérindien. Trahi par l'arrivée des premiers colons et de leurs fausses promesses. Laisse-moi te parler d'un être formidable, armé d'un flot et d'un vocable impeccable. L'excellence est le minimum, je ne ferai pas de compromis dans mon curriculum. On aura beau me dire que j'en fais trop, que ma musique n'est pas assez formatée radio. Allô, allô, j'en appelle à tous ceux qui en veulent plus, à ceux qui voient plus loin, à tous mes visionnaires. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, Alpha s'en va en guerre, t'es la mercenaire. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, j'élargis mes horizons, je suis un visionnaire. Visionnaire. Dans un style à l'ancienne mais jamais dépassé. J'suis bien placé pour te le dire car je suis un adolescent des années 90. Classique comme la clique en 95. Tu veux que ça clash tel 93. Authentique jamais cynique quand il s'agit de prêcher. Je ne fais pas de chimie, Christ est la vérité. Le chemin et la vie, j'suis pas ta victime. Car ma team est victorieuse, grâce à Dieu je vivrai des années glorieuses. Car Yeshua m'a rendu libre, affranchi de vos opinions. J'ai ouvert une Bible, osé la lire à cœur ouvert. Je me suis livré à celui qui me délivre de mes démons et de mes vices. Visionnaire, tel Léonard de Vinci. Je rêvais d'un clip en hélico à la Run DMC. Pendant que tu cours après ce métro boulot dodo, une vie régulée par le nombre de likes dans tes réseaux sociaux. Transformé pour manifester l'étendue bonté de mon créateur. Défenseur ardent d'un bonheur indépendant de vos ondes négatives. J'y vais fort lorsqu'il s'agit de péter vos stéréotypes. Pas du type à croire être meilleur que quiconque, mais je ne baisserai pas le regard devant quiconque. Ma vie n'est pas de cette terre, mon horizon est extraterrestre et ma vision extra-céleste. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, Alpha s'en va en guerre tel un mercenaire. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, j'élargis mes horizons, je suis un visionnaire. Visionnaire, ça me fait. Je crois qu'elle est trop bonne celle-là. Ok. Et refrains pour celle qui est encore là. Des fleurs et du bon vin pour celle qui est encore là. Pour celle qui est restée, amour et sincérité. Pour celle qui est restée, qui m'a tout donné. J'en veux tenir. Merci, merci, merci. Oh, je veux te dire merci, merci, merci. Pour celle qui m'a choisi et qui m'a tant cajolé. Pour celle qui m'a choisi, m'a appris à aimer. Bien le temps de te l'annoncer. Te rappeler que tu es apprécié. Je veux te dire merci. Bien, merci à toi, mon cher Jérémy and the Delicious Hound. Et merci à tous les artistes, tous les musiciens qui, à chaque semaine, semaine après semaine, nous sortent des nouvelles chansons, des nouveaux albums, des nouveaux vidéoclips. Ils annoncent des spectacles un peu ici et là. Nous disent des nouvelles par rapport à ce qui se passe avec eux. Moi, ça me fait plaisir de partager ça avec les auditeurs de Canrock un peu partout à travers le Canada.